بسم الله الرحمن الرحيم سندخل الآن في المسألة الثانية بعد المئة 102 مسألة في قوله تعالى إنما سلطانه على الذين يتولونه toujours dans sourate An-Nahl les abeilles dans le sens où Allah dit à propos de Shaitan que son autorité son contrôle sa domination n'a lieu que sur ceux qui s'allient à lui. Verset 100. نعم. من هنا قال المؤلف رحمه الله تعالى هذه الآية الكريمة فيها التصريح بأن الشيطان له سلطان على أوليائه ونظيرها الاستثناء في قوله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. Donc ce noble verset demande clairement que Shaitan a autorité et domination sur ses alliés. Également, un verset est venu dans le même sens, avec l'exception de ceux qui sont les vrais croyants, dans le sens où Allah dit « Certes, mes serviteurs, tu n'auras sur eux aucune autorité, hormis ceux qui t'auront suivi parmi les égarés. » Verset 42, El-Hijr. « Qal, waqad ja'a fi ba'd al-ayat ma yadullu ala nafi sultanihi alayhim. » كقوله تعالى ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان. Il a dit que certes Iblis a eu justement influence sur ces gens-là et que les gens les ont suivis à part une partie infime parmi les croyants et qui n'avaient sur eux aucune autorité. Saba, versets 20 et 21. وقوله تعالى حكيا عنه مكررا له وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان. Donc également, Allah Azza wa Jal dit à propos de Shaitan, dans le sens où il dit que Shaitan leur dit, une fois que une fois que le décret ou que le jugement a été fait, établi, on dira comme ça, il dira à ses suiveurs que certes Allah vous a promis et sa promesse est vérité. Et moi je vous ai promis et j'ai transgressé ma promesse. Et je n'avais sur vous aucune autorité. C'est-à-dire que vous m'avez suivi de vous-même. Sourate Ibrahim, verset 22. قال رحمه الله تعالى والجواب هو أن السلطان الذي أثبته له عليهم غير السلطان الذي نفاه وذلك من وجهين. La réponse est que le sultan, l'autorité que Allah Azza wa Jal a affirmé à propos de Shaitan est autre que celle qui a été elle-même niée, qui a été récusée. Et cela sous deux angles. الأول أن السلطان المثبت له هو سلطان إدلاله لهم بتزيينه والسلطان المنفي هو سلطان الحجة فلم يكن لإبليس عليهم من حجة يتسلط بها غير أنه دعاهم فأجابه فلا حجة ولا برهان وإطلاق السلطان على البرهان كثير في القرآن. Donc première réponse, c'est que le sultan, l'autorité qui a été, elle, affirmée, c'est le fait qu'il les a égarés et qu'il leur a enjolivé les mauvaises actions. Et le sultan, l'autorité, on dirait sultan en arabe, parce que là, ça ne sortirait pas pareil, qui lui a été refusée, celle que Allah Azza wa Jal a nié dans son livre, c'est celle de la hujja, de l'argument. C'est-à-dire, Iblis n'avait aucun argument pour pouvoir en fait, avoir le dos sur eux, les dominer. Du simple fait seulement qu'il les a appelés, qu'ils ont répondu. D'accord ? Mais il les a appelés sans argument, il n'avait rien du tout pour les appeler. Et en arabe, le mot sultan, dans le Coran surtout, vient souvent pour le sens de la preuve et de l'argument. Le mot sultan est employé également pour le mot de la preuve et de l'argument. Donc c'est ce sens-là qui était nié et qui a été refusé de Shaitan. L'anatollah alayhi. Donc ça, c'est le premier angle, première réponse. الثاني أن الله لم يجعل له عليهم سلطانا ابتداء البتة ولكنهم هم الذين سلطوه على أنفسهم بتوعته ودخولهم في حزبه فلم يتسلط عليهم بقوة لأن الله يقول إن قيد الشيطان كان ضعيفا. Et deuxième réponse, c'est que tout simplement, Allah ne lui a pas accordé d'autorité, de domination sur eux en son début. Mais tout simplement, ce sont eux qui ont, lui ont permis, ce sont eux qui l'ont permis de les dominer, qui ont permis à Shaitan qu'il ait domination sur eux. Comment ? En lui obéissant et en rentrant dans son parti, dans sa secte. Donc Shaitan, lui, ne les a pas pris par force. Il n'a pas égaré les gens par force. Mais tout simplement parce que les gens ont voulu se faire égarer par lui. Car Allah, dans le sens, il dit bien que certes, le complot de Shaitan est vraiment faible. Sourate An-Nisa, verset 76. Le complot de Shaitan est vraiment faible. قال وإنما تسلط عليهم بإرادتهم واختيارهم ذكر هذا الجواب بوجهيه العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. Donc Shaitan ne les a dominés que par leur propre gré eux-mêmes, leur propre volonté. Une chose qu'ils ont causée délibérément. Et ces deux réponses sont celles qu'ont citées par Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala. فهذا هو الجواب في هذه الآية. والحمد لله رب العالمين.